Bonjour Anaïs Kien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui dans le journal de l'histoire, la place des morts dans nos sociétés. C'est une petite île au large des côtes de New York, à l'accès difficile et peu fréquenté jusque-là. Heart Island, l'île des morts, est un immense tombeau pour le million de personnes qui y sont enterrées depuis la fin du 19e siècle. L'île ne se visitait pas jusqu'en 2007, date à laquelle la direction des prisons de New York, en charge de son administration, a finalement autorisé les proches des défunts à venir leur rendre hommage. Depuis, le site a été confié aux bons soins des parcs new-yorkais qui veillent aussi sur l'histoire de ce bout de terre où l'on a relégué depuis près de deux siècles tous ceux qu'on ne voulait pas avoir sous les yeux. Les sans-abri et les personnes sans identité décédées, mais aussi les prisonniers sudistes pendant la guerre de sécession, les femmes aliénées, les tuberculeux, les victimes de la grippe espagnole et du sida, les adolescents jugés déviants et quelques missiles tournés vers le ciel de l'Atlantique prêts à l'emploi pendant la guerre froide. Jonché de ruines, Heart Island est un conservatoire de l'histoire contemporaine états-unienne à travers le destin de toutes ces catégories de personnes que l'on voulait mettre à distance dans l'espoir de les oublier plus vite. Des photos de cercueils sur le point d'être ensevelis dans une fosse commune de Heart Island alors que la ville était débordée par l'hécatombe de la première vague de Covid avaient ému et rappelé aux Américains l'existence de cette nécropole à l'occasion de la flambée de l'épidémie l'année dernière. Aujourd'hui, l'île pourrait devenir un lieu de commémoration des victimes du coronavirus pour tenter de réparer les évacuations à la va-vite et les deuils hâtifs des derniers mois, mais l'épaisseur des temps qui occupe l'espace fait débat. Rendre hommage aux morts de l'épidémie en cours, bien sûr, mais c'est aussi l'occasion de redécouvrir et de célébrer tous ces corps témoins de l'histoire nationale et mondiale confiés aux limbes de la mémoire. Saturé de toutes ces histoires, Heart Island est rattrapé par l'actualité et avec elle l'histoire de la mise à distance de la mort et de l'effacement des signes ostentatoires du chagrin. Un processus progressif et de longue durée dans les sociétés contemporaines. C'est cette petite musique des morts qui ne s'oublie jamais tout à fait qui a guidé le dernier numéro de la revue Sensibilité intitulé sous forme de questions « Et nos morts ». Un numéro rattrapé par le présent au cours de son élaboration et par le lancement du décompte des victimes toujours en cours. Les autrices et les auteurs se sont attachés aux manières d'accueillir les morts dans la vie d'après et surtout peut-être à concevoir des lendemains collectifs. Comment les disparus travaillent la culture, l'invention et l'évolution des postures et des tenues de deuil ou les expressions de deuil collectif après les attentats. Une traversée des manières de vivre et de dire la mort pour vivre le présent.